Les dernières expéditions. L'orgueil des dirigeants byzantins les poussa à nier le droit à l'existence des musulmans, et leur arrogance les amena à mettre à mort ceux qui, parmi leurs sujets arabes, avaient embrassé l'islam. Ce fut le cas de Farwa ibn Amr al-Judhami, qui était gouverneur de Ma'an pour les Byzantins. À cause de ces menaces latentes, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, commença à rassembler une grande armée au mois de Safar de la 11e année de l'Hégire, qu'il plaça sous le commandement d'Usama ibn Zayd ibn Haritha. Il lui donna l'ordre de fouler les frontières d'Al-Balqa et d'Ad-Darum en Palestine. Son objectif était de terroriser les Byzantins et de redonner confiance aux Arabes qui habitaient dans les régions frontalières de l'Empire byzantin. Il voulait faire savoir aux uns et aux autres que l'oppression de l'Église ne resterait pas impunie et qu'en se convertissant à l'islam, l'on ne mettait pas en péril sa vie. Le choix d'Usama comme chef fut l'objet de critiques. Les musulmans hésitèrent à se joindre à son expédition du fait de son jeune âge. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'adressa alors à tous dans les termes suivants. Vous critiquez sa nomination comme vous aviez autrefois critiqué celle de son père. Eh bien, j'en jure par Allah, son père était digne du commandement et il était pour moi le plus aimé des hommes, et son fils est celui de tous les hommes que j'aime le mieux après son père. Après cette intervention, les réticences disparurent et l'armée fut facilement constituée. Celle-ci alla camper à Al-Jurf, à une lieue de Médine. Cependant, la maladie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, provoqua une certaine anxiété qui retarda la mise en route de l'expédition. Ce fut la volonté d'Allah que l'expédition d'Usama fut la première à partir sous le califat d'Abu Bakr le véridique.